là, on est sur du gros morceau. Où le placer dans la chaîne de l'histoire du hip-hop? Moi, je crois qu'il n'y a pas de placement. Il est inclassable. Il est juste le Godfather, à mes yeux. Je lui dois beaucoup, car n'ayant pas de papa ou de grand frère, c'est bien Mr. Dynasty qui va faire ma petite éducation musicale. Il se lâche dans cette discussion pour nous, très longue, que je ne couperai pas, comme il le redoute souvent, avec d'autres médias en quête d'actu sur les 50 ans du hip-hop ou bien d'autres choses. Je suis juste là pour partager et poser mes questions sur le parcours d'un DJ et digger au monde si vaste que je n'ai pas trouvé les limites de ses connaissances. Mr. Daniel pour les intimes. Première partie. Tu fais partie des gens qui ont changé clairement ma vision. C'est ce que vient de me dire. Ouais, vraiment. Je sais que c'est un peu exagéré quand même, mais bon, je rigole. Tout dépend. Je sais rigoler aussi. Hein. Ouais, non, mais tout dépend. Mais c'est vrai qu'on a tous des guides à des moments. Et d'ailleurs, je te demanderai aussi un petit peu les tiens. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur... On a la chance d'avoir connu quand même quelques révolutions musicales. Et c'est vrai que quand tu écoutes ça, quand les claques que tu prends... Tu vois, il y a eu des phases où je me souviens, la première sortie que j'ai faite, c'était au MPP4 pour te voir à côté de Saint-Lazare, un rendez-vous qui a été, à mon avis, que deux fois. Et c'est une des premières fois où tu as joué le Public Enemy Rebel Without a Pause. Bon, bah, si tu préfères des moments comme ça dans la vie d'un ado, c'est difficile de pas s'en souvenir, parce que le choc émotionnel et violent du titre fait que... Après, tu vas rentrer dans un... Comme les mecs écoutent la première fois, mais Metallica. Comment ? J'étais le premier à le ramener et à le jouer. C'est ce qui me semble, parce que comme je te suivais beaucoup à l'époque, je t'ai retrouvé dans ce club. Et puis, il y avait la version sur Nova, mais je crois que je t'avais sollicité il y a plusieurs années. J'ai retrouvé la cassette que tu avais faite. Tu me dis, je me souviens pas de ce mix. Et je l'ai remasterisé pour le livre. Et elle va être en QR code dans le livre. Et tu fais une version, et c'est tes mots que je vais employer, s'appelle version revue et corrigée. Tu mets Saltan Pepa, tu mets le Funky Drummer, tu mets donc le Public Enemy avec le maxi parce qu'il y avait la cape et l'instru, et tu nous fais un melting pot. Mais laisse tomber, là, j'en ai un frisson encore. La version, elle est juste monumentale. Merci. Ah non, c'était d'une créativité juste dingue. Donc, c'était vraiment pour situer que quand tu vis ça, forcément, ça a eu une incidence énorme, moi, sur ma vie musicale, jusqu'à produire. Et d'ailleurs, j'étais plutôt dans la house music, j'ai quitté le truc. Mais si tu préfères, c'est quand même tout un lien, même si je sais que toi, je t'ai écouté aussi quand tu faisais un peu de house avec certains producteurs. Ouais. Et il y a tout cet ADN. Et j'ose toujours dire aux gens, et il y en a pas mal qui sont d'accord avec moi, que si Daniel ne nous avait pas éduqués, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais là c'est tombé sur toi, pas de chance, et on n'aurait certainement pas été dans les mêmes terrains, les mêmes trucs, voilà. C'est un peu classique à dire, mais c'est important. Il y avait qui à l'époque ? Il n'y avait personne. Donc ce que j'ai fait, je sais que je n'aurais pas fait, personne n'aurait fait ma place. C'est pas David Guetta qui allait apprendre ce qui était Public Enemy, quoi. Non, même si David, il était quand même un peu là au début sur certains trucs. Sauf que toi, t'es un bâtisseur, t'es un architecte. C'est-à-dire que toi, la gogo de Washington, les machins, les trucs, tu vas sur place, tu vas chercher les trucs. Tu vas pas juste les montrer. Il y a une énorme différence. C'est pour ça ma première question, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas des vraies questions, mais c'est ton ADN et tes origines. Vraiment, comment toi, tu vas choper ça? C'est un peu pour les gens dans le livre qui te connaissent un peu moins, et c'est difficile de pas te connaître quand même, mais je sais qu'il va y avoir quand même quelques lecteurs et auditeurs, et refaire tout un petit peu l'ADN avant qu'on rentre dans le dur. Alors, j'ai un Wikipédia qui est extraordinaire. Ah, voilà. Écoute, j'irai choper alors des trucs sur le Wikipédia pour qu'on essaye de ne pas faire la sempiternelle question des origines. Tout ce qui est sur la funk music, le lien éventuel, j'y dis toujours parce que c'est ma vision des choses, c'est ce qu'il y a dans le livre, c'est ce que j'ai vécu avec la communauté maghrébine. Toi qui étais aussi de banlieue à la base, est-ce que tu penses que... cette communauté a accaparé un peu cette musique. Je me demande même parfois s'ils n'avaient pas été là, si la funk aurait pu se développer, et encore en France ça a toujours été un peu difficile quand même. Est-ce que tu trouves un lien, est-ce que tu l'expliques? C'est une question que j'avais vraiment envie de te poser, toi qui es aux origines de cette zik en France. L'ayant vécu sur place à Bagneux, Donc voilà, tu parles de la communauté maghrébine, mais il y avait aussi la communauté juive qui D'accord. aimait exactement la même style de funk. Donc en fait, par contre, à Bagneux, à la Pierre-Place, il y avait beaucoup d'Antillais, et eux, ils étaient plus dans la biguine avant que ça devienne du zouk, tu vois. Tout à fait. Et eux, voilà. Après, quand même, tout le monde s'intéressait à Jazz Band. Tu vois, moi, j'avais 13 ans quand Sex Machine est sorti. Donc, mais à côté de ça, tout le monde écoutait un peu de tout. Mais effectivement, il y avait un certain attachement de la communauté maghrébine par rapport à la funk. Mais au la soul, déjà à l'époque, hein, puisque là, on revient loin en arrière. Mais quel funk? C'est-à-dire que pour les Maghrébins, c'était Barry White le summum. C'était Love Unlimited le summum. C'était pas George Clinton et Funkadelic, tu vois? D'accord, ouais. Par exemple, c'est vraiment de la funk très sucrée, très guimauve, très festive, un peu mélancolique, super lover. En fait, ce que j'appelle de la funk de camping ou la croisière s'amuse, quoi. Et eux, D'accord. ils ont toujours été attachés à ce style de funk, d'où les discothèques de Triangle, où il n'y a pas une meuf, il n'y a que des mecs qui dansent ensemble, qui se jaugent sur des petits pas en écoutant Oliver Chitane, Saturday Night, tu vois. Oui, à fond. tu vois, Je vois c'est un bien. peu. Justement, on peut faire le lien, du coup, le lien, tu l'as un peu fait. C'est quand même vachement de la musique festive avec du super groove, mais est-ce qu'il y a ce truc d'aller, du coup, en club à cette époque-là par rapport à cette génération de mecs? Parce que moi, j'ai 53 ans, donc il y a quand même une génération avant que j'ai un peu interviewé. Et clairement, les mecs, c'est vraiment les mecs entre les mecs, les tapeurs et les mecs de la funk, il y a vraiment ce truc. Est-ce qu'il y a ce truc du club, du clubbing déjà, finalement? Et ben moi, je ne l'ai pas connu parce que je n'ai jamais été DJ du club, à part chez Rouge et Bois de 5, tu vois. On peut considérer comme un club. Donc, je n'ai pas connu ça, dans le sens où moi, ça m'a jamais intéressé. D'une part, parce que j'ai toujours voulu jouer ce que je voulais. Je ne voulais pas devenir un résident, tu vois. Ouais. Résident chez Roger, ouais, tous les vendredis, ça c'était génial, mais un résident dans le sens où. T'es moins payé que le videur et tu dois jouer ce qu'on te demande de jouer. Pendant Et 12 moi, heures. ouais, en plus, ouais. Et puis après, tu laves les chiottes. Non, mais c'est ça, tu vois. DJ de boîte, à l'époque, c'était ça. C'est après, tu dois faire le ménage et faire les toilettes, quoi. Genre, comme ultime humiliation. Donc, moi, j'ai pas voulu. Et puis, bon, comme j'ai vécu à San Francisco, même si je n'avais pas le droit de rentrer dans les clubs, je savais ce qu'était un club et j'écoutais dehors, quoi. En entendant à peu près ce qui se passait, voilà. En tout cas, ça n'a jamais été le rêve pour moi d'intégrer un club, même si j'ai joué deux fois au Rex, enfin, deux fois à l'époque, hein, j'ai joué plus souvent que ça depuis. Mais bon, le Rex à l'époque me dit, mais de toute façon, Dynasty, vous êtes un super DJ, mais on veut absolument pas de votre clientèle. Bon, bah ça calme. Ça calme, ouais. Ça calme. Alors par contre, j'aurais fait un autre choix musical qui aurait été plus la house et le clubbing, même la funk de discothèque, parce qu'il y en a. Même si j'adore D-Train, j'adore plein de SOS trucs, Band mais qui pour le sonne moment, bien aussi, hein, pour moi c'est des grosses prods en termes de qualité de prod puisque je suis dans le mastering. Quand je ah, mais la réécoute les chimie, SOS c'est pas Band, mal. le son il est tellement énorme, même quand les Non, Daft mais. Punk aujourd'hui disent on essaye de faire pareil, quand j'écoute les deux, je suis désolé pour les Daft que j'adore, mais ils sont pas encore au niveau, hein, c'est fou, mais ils y sont pas encore. En plus, ils ont le même matos, mais bon, ils ont pas. De toute façon, l'environnement est différent. Mais tu vois, SOS Band, il y a tellement de périodes, tu vois, c'est comme Coolin de Gang, Bien sûr, Spanish ouais. Fire, Step Brothers, tu vois, là, je me suis fait récemment, parce que moi, c'est un groupe dont je suis fan. Donc, j'ai chopé chez A1, chez Romain, Lord Funk, Ouais. un nouveau magasin, enfin c'est pas le sien, hein. Mais putain, il y a des trucs de dingue parce qu'ils ont rapatrié tous les disques de New York, de A1 New York, donc laisse tomber qu'il y a dans les cartons. Incroyable. Ouais, des maxis de justement, les Brothers, que je savais même pas qu'ils existaient. Ah ouais? Ah oui, carrément. Parce que la prod, elle est extraordinaire chez eux aussi. Le son, il est. J'arrive pas à écouter mieux. Hein. Je parle vraiment qualité de production, hein, là, Daniel. Hein. Je sais que tu connais bien, donc je peux me permettre avec toi. Ouais. Et c'est vraiment. Quand j'écoute le grain, le tout, tu peux te dire, il y avait les meilleurs musiciens, les meilleurs trucs. Mais putain, mais la magie du truc. Et je sais que je prends référence des Daft Punk. Je sais qu'ils ont vraiment essayé de coller à ça au maximum. Et je te jure, il n'y a pas la même magie. Hein. Les morceaux. Tu vois, si tu parles des Daft Punk, leurs morceaux, il y a une pub en ce moment qui fait. Bon, tu vois ce morceau. Bah, eux, ils ne connaissaient pas, c'est un groupe qui s'appelle Breakwater, ils ne connaissaient pas du tout. Celui qui tient leur label, mais parce que je trouve qu'il est insupportable quand même, tellement le gars il est imbu de sa personne. Mais en tout cas, il me raconte l'histoire, donc ils vont faire des concerts au Japon. Et puis il y a l'aéroport et un magasin de disques, ils trouvent la pochette sympa et ils l'achètent et puis ils écoutent après dans l'avion. Et puis ils kiffent le morceau et ils en font un morceau. Bon, le groupe en question était très content parce que personne ne s'est intéressé à eux depuis fort longtemps. Ah ouais, ouais. Les Japonais, oui, parce que les Japonais avaient fait un prochain CD qui existait nulle part ailleurs pour ce disque-là. Breakwater, le truc s'appelle. Alors, moi, j'ai été choqué quand j'ai entendu comment ils l'ont fait, pourquoi ce morceau-là, et comment, en fait, ils n'ont rien fait dessus, ils ont rajouté juste un petit vocodeur. J'ai dit, valait mieux pas qu'ils rajoutent autre chose parce que, de toute façon, le morceau lui-même, il est terrible. En tout cas, tout ça pour te dire que cette funk-là, les Rapsas de cité ou les Feux, je ne sais pas cette funk-là du tout qu'ils aimaient à mon époque. Moi, j'ai eu la chance de partir à San Francisco à 18 ans, en 78, où là, c'était florissant de funk. Je m'étais acheté un petit poster radio, j'achetais des cassettes et j'essayais d'enregistrer le plus de choses que j'entendais là-bas, quoi, sur des radios communautaires. Tu restes combien de temps là-bas? Parce que j'ai vu plein d'interviews de toi, forcément, mais je ne sais plus combien de temps tu restes là-bas. Je suis resté en tout 3 ans, mais en faisant des allers-retours, tu vois, parce que le business, c'était 3 mois, donc j'ai fait des allers-retours. Et à un moment, je suis parti en direction à Bolivie pour fournir les dealers du quartier où j'étais. D'accord. Je ne suis pas arrivé, mais j'ai passé 8 mois, 8 mois sur le chemin. Et c'est là où j'ai appris à parler espagnol, que je parle couramment avec Céline, qui est à côté de moi. Putain, trop bien. Mais bon, je ne savais pas un mot. Puis bon, après, arrivé en Bolivie, je savais plus. Puis je suis resté 8 mois en tout. Ouais, 8-10 mois. Ouais. Des moments incroyables. Et aussi, dans chaque capitale, des radios funk, jazz funk, extraordinaires. Et au Brésil, laisse tomber, il y avait des magasins avec que de la funk à l'équivalent de 50 centimes de dollars. Mais bon, moi, j'avais juste un sac à dos et ma guitare, je ne pouvais pas ramener des disques. Ouais, le seul disque que j'ai ramené, c'est un disque de Azimut. Je sais pas si ah, je connais bien, ouais, sur le label anglais Far Out Record. Ouais, mais ils ont changé. Enfin, ça c'était les labels modernes des années 2000, mais avant. Ouais, non, Azimut, gros, énorme groupe des tueurs. Asylum Record ou un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai ramené l'album de 73. Et je l'ai toujours. Et bon, il ne vaut pas si cher, parce que ça a été réédité surtout. Bien sûr. Ouais. Enfin, moi, j'adorais le jazz funk aussi. Et puis, comme je suis guitariste, donc j'écoutais tout le monde, du jazz manouche Django Reinhardt et Chick Corea et John McLaughlin, enfin voilà, ouais. Eric Clapton, enfin. Est-ce que bon, le truc qui m'énerve, c'est Stray Cats. Ça, je suis jamais rentré là-dedans. Ah, t'es pas rentré, ouais, ok. Ça devient un peu plus blanc, entre guillemets. J'aime pas trop dire ça, mais c'est on clair. Commence à être plus blanc, hein, quand même. C'est carrément. Hein, Clapton, c'est très blanc, mais bon. Ouais, il y a quelques exceptions, parce que quand tu dis t'es en 78, moi qui suis bien dans les trucs techniques et des périodes, des décennies, on va forcément être d'accord sur le fait que 80, il y a les boîtes à rythme qui arrivent, même si avant 80, quelques trucs, mais voilà, les fameuses Roland et tout, et toi t'arrives vraiment dans des années de transition où c'est énorme, où du coup la funk, entre guillemets, avant qu'il y ait le early disco, mais où il n'y a pas encore les boîtes à rythme dessus, où ils prennent les beats disco et tout ça, mais toi tu vas arriver pile poil aux États-Unis où il y a la rencontre des boîtes à rythme, où les mecs ils sortent des trucs, mais juste ce que j'appelle l'électro-hip-hop, entre guillemets, où ils utilisent vraiment ces machines-là, Et alors là, c'est la révolution. Et sur la funk aussi, il y a la transition. Moi, j'appelle ça analogique vers numérique. Même s'ils enregistrent encore en analogique, ils utilisent quand même des presque le début du numérique. Même si ce n'est pas des ordi, c'est quand même des chipsets qui vont faire les... Oui, comme excuse-moi, je te coupe, comme la Terre 808, c'est entre analogique et numérique. C'est vraiment, c'est des comment Epron, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance j'étais joué au Japon. Avec Yasuaki Shimizu, le grand saxophoniste, et Matteo Parker. Et en fait, Yasuaki Shimizu a rassemblé tous les meilleurs musiciens soul qui avaient au Japon, enfin, en tout cas, ses potes. Et j'ai rencontré le batteur qui a fait tous les sons de la TR-808 et la TR-909. Oh, donc, il m'a dit, bah, j'étais chez Roland et je tapais pendant des jours, des heures, des caisses claires. Et ils ont fait des combos de ces sons. Et ça a créé les éperons, des sons de grosses caisses, de Kessler, de Charlet, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui viennent de ce batteur-là. Donc, je lui ai dit, mais tu te rends compte, le son, ce qu'on entend dans le monde entier. Et puis, à l'époque, c'était en 93, donc il y avait beaucoup de TR-909, en fait. Et même de Bassline, enfin, tu vois, tous les trucs Roland, qui ont vraiment marqué l'histoire. Et donc, il me dit, oh, mais c'est pas grave, de toute façon, moi, j'ai été payé pour, mais je sais que c'est mes sons, mais tant mieux, voilà. Enfin, humblerie à la japonaise, tu à vois. la japonaise. Mais à côté de ça, moi, quand je suis rentré des États-Unis, le temps que je me remette sur pied, parce qu'on m'avait tout volé, j'avais plus rien, plus d'appart, plus rien du tout. Comme je suis un courtier, comment dire, que je comptais pas les heures, bah, j'ai réussi à m'acheter une TR-808. Une basse et puis un ampli de guitare, parce que j'avais encore mes guitares. Voilà. Et du coup, la TR-808, ouais, c'était. Ben, j'ai fait toutes mes premières maquettes, et puis après, j'ai eu un capice Tascam, ma cassette. J'ai fait mes premières démos, enfin, je veux dire. On est Et en comme quelle je année trouvais. là quand tu fais ça justement, qu'on se situe un petit peu? 80-82, ouais. Ouais, on est très tôt. Bah ben, oui, on est très tôt. Ouais, parce que je connais un peu les dates des disques, des trucs, des machins, donc on est très tôt. Et j'essaie toujours de savoir un peu qui est en France, un peu au niveau production, hein, pas que DJ, mais tu vois, là on explique bien, il y a plein de gens qui ne savent pas ça forcément de toi, qu'il y a vraiment ce côté guitariste, il y a déjà la boîte à rythme et tout. On en voit une sur le terrain vague d'ailleurs, sur une photo, il y a Joe, c'est une 808 qu'il y Ouais, a. mais c'était le jour, ouais, sûrement, ouais. Ouais. C'est Bah, quand même c'est. assez incroyable d'avoir ça à cette époque-là sur un terrain vague quand même. Me rappelle pas. De toute façon, ça a niqué mes platines, ça a niqué mes disques à cause de la poussière, tu vois. Donc, il y avait tellement de poussière et après, ça se collait avec l'humidité ambiante dans les disques. Bon, écoute, ils s'en sont sortis, moi aussi. Mais par contre, t'avais une boîte à rythme là-bas, je me rappelle pas que j'ai fait. Et puis pourquoi faire? Parce que en tant que rappeur, il n'y avait que Destroy Man et Johnny Go. Il n'y a qu'eux qui osaient prendre le micro. Après, ouais, ça dansait, mais de toute façon, d'un samedi à un autre, il y avait 50 personnes, des fois 100, des fois 200. Ça venait suivant la météo aussi. Enfin, de toute façon, on ne parlait pas de ça, parce que là, Non. on est en 86, C'est donc ça, ouais. Là, on est on bien est. plus loin. Là, on est à tes débuts de la prod que je connais très peu parce que je vais connaître comme tout le monde, entre guillemets, encore une fois, en 1984, le Paris City Waking, qui est pour moi le premier disque vraiment qui. Panam City Therapy, excusez-moi monsieur. Ah oui, Panam City excuse-moi, Therapy. je confonds avec le festival. Oh putain, j'ai trop de trucs. Et tu l'as ressorti Oui. du coup? Ouais, je l'ai ressorti, mais j'en ai 100 qui sont bloqués par un ami dans la campagne près d'Auxerre. Et Ah. il a eu un arrêté depuis 6 mois. Il ne s'en remet pas. Et du coup, pour l'instant, il peut rien en faire. Ils sont là-bas. C'est pas qu'ils sont séquestrés, mais que. Et maintenant, j'ai vu sur Discog, justement, la réédite, elle vaut 70 balles. Oh putain. Ça n'ira pas dans mes fouilles. Mais moi, je t'en offrirai, hein, t'inquiète pas. Dès que je Super. les récupère, c'est pas pour tout de suite. Voilà. D'accord, Et et ça ce, va c'est des entrer. 4 en plus. T'as vu? Et du Mortel. coup, j'ai Ah ouais. tout remasterisé pour que ça soit plus péchu, on va Ouais. dire, que l'original, qui était déjà pas mal. Mais Ouais, bon, qui fait sonnait avec bien l'époque. Du coup, quand tu commences à produire ce disque-là, avant qu'il sorte en 84, tu vas mettre quoi, un an et demi? Tu le produis en 83 ou il est sur. Tu commences très tôt, plus tôt Donc, et. je commence en 83, j'essaie de travailler mes textes. Après mes textes, je les, comment dire, j'ai toujours mon cahier, mais je vais à RDH, parce que RDH existait encore avec Bad Bunny. Weibo, Platine et Lionel D. Ouais. Non, Lionel D, c'était après, pardon. Et du coup, bah, je travaille mes rap parce qu'à l'époque, on faisait des adaptations de Rapricas qu'on faisait en français. Et bah, du coup, c'est comme ça que j'écris. Il y a eu le morceau de Flash, le Mail Email, New York, New York, Big City of Dream. Bah, j'ai écrit Panam, Panam, grande ville de rêve. Et puis après, le reste a suivi. Je me suis approprié le truc et j'ai raconté mes histoires parisiennes et pour se démarquer de l'histoire new-yorkaise. Et comme ça donnait. Bah voilà, c'est comme ça que. Après que j'ai pu faire le disque, ben finalement j'ai placé ce texte-là. Par contre, à l'époque, il était obligé de rapper un minimum en anglais. Donc, même si j'ai vécu là-bas quelques temps, j'avais quand même un bon accent Frenchy parce qu'on me disait qu'il fallait pas que je le perde, sinon que je ressemblais à un wasp. Tu vois, D'accord, ouais, je genre. vois, ouais. Puis ils aiment bien quand même l'accent là-bas, ils te disent qu'il faut garder l'accent en plus. Ouais. Bon, c'était sexy, mais à San Francisco, je me faisais draguer que par les mecs. Et je draguais les femmes, mais ça ne marchait pas. J'étais toutes lesbiennes et les mecs homo. Donc, et du coup, à San Francisco, j'ai assisté à une des premières gay prides pour le premier maire gay, le maire de San Francisco. Et c'était organisé bah, dès qu'il a été élu à l'arrache. Et ils ont les charges. J'ai jamais vu autant de personnes à poil de ma vie. De ta vie dansée à poil. Bah ouais, parce que j'ai vu le film qui Depuis jamais s'appelle vu de Milk, spectacle si je me d'origine souviens. noire. Donc là, c'est des. Ouais. Il y a un film qui retrace ça vachement bien qui s'appelle Milk. Ouais, il me semble ouais, qu'il y a un film là-dessus. Ouais. Ouais, Ouais. il est super bien du coup, ça te happe Bah, bien moi, j'y étais. dans les toi tu y étais voilà, dans l'esprit qui avait vraiment ultra libérateur si on peut dire ça comme ça et avec la musique qui va avec et d'ailleurs même c'est pas une question que j'avais prévue entre guillemets, mais il n'y a pas eu d'influence sur la communauté homosexuelle enfin gay par rapport à cette zik parce qu'ils étaient déjà sur de la musique clubbing, pourquoi il n'y a pas eu de lien d'après toi, il n'y a pas eu Non, de à l'époque, c'était pas clubbing dans le sens où on en pense aujourd'hui. C'était très funk et disco funk, mais vraiment plus disco soul, tu vois, D'accord. que disco funk. Et beaucoup aussi new wave, tu vois, genre les Cars, les Tubes, des groupes comme ça. D'accord. Ça, c'était. Après, à San Francisco, il y avait Grateful Dead qui était vraiment Ouais, le c'est groupe gros. iconique, ouais. Alors Où les gens, justement, il y avait des mecs de. Ouais. j'ai une question, enfin, que je pense intéressante. Je parlais pas mal avec des Anglais sur des labels assez connus qu'on fait des trucs en early Ouais. rap et tout, jazz recording, tous les Anglais qui font les rééditions depuis des années. Et Ouais. c'est eux qui m'ont parlé de certains clubs à Paris. Bataclan, il y en a eu plein de versions et tout. Mais ils m'ont dit, on comprend pas comment vous, les Français. Finalement, vous avez toute la communauté antillaise qui était plus forte que chez nous, parce que nous, on avait plutôt les Indiens et d'autres communautés. Bref, Ouais. et me dit, finalement, la disco, pour nous, elle est en Europe, elle est presque avec l'Italie, elle est presque arrivée chez vous en premier, avec les mecs écoutaient ça. On a des photos des clubs. Je lui dis, mais comment vous avez ça et tout? Le mec, il m'explique toute l'histoire de la disco française, antillaise, j'ai envie de te dire, et américaine, forcément. Et le mec, il me dit, c'est nous qui nous sommes emparés, vous en avez rien fait. Je lui dis, mais je crois qu'avec la funk, malheureusement, la France, si c'était pas Sylvie Vartan ou machin qui fait, ou Sheila qui fait Chase, ou ce que tu veux, je lui dis, je crois qu'on n'a jamais l'accroche, et on a des talents, et on les laisse partir. Est-ce que toi, justement, sur la communauté antillaise, qui a été très forte, apparemment, sur la partie disco, mais très court, et apparemment, c'est parti, c'est pas venu à la mode ici, et on a laissé partir le truc, et c'est les Anglais qui ont tout récupéré. Bah écoutez, écoute, Ah ouais, tu me vois, j'aime bien Daniel. maintenant c'est vous quoi. C'est terminé Les courbettes, vas-y. la confiance, non, la période d'essai. Hein. Bon, alors, vous. Non, mais en fait, moi, la communauté antillaise que j'ai connue, hein, j'ai commencé d'ailleurs à travailler grâce à eux. Grâce à un DJ qui s'appelait Boris, paix à son âme, qui jouait au Palace et qui était le meilleur pote de mon meilleur pote coursier. Et tous les soirs, on s'appelait pour se dire, ouais, qu'est-ce que tu as trouvé comme disque? Parce qu'on était, voilà, c'était le seul câlin de la journée de trouver des disques pendant les 12 heures sur un scooter, tu vois. Et du coup, il me fait rencontrer Boris. Et puis Boris, il vient à la maison, puis je lui montre que je commence à scratcher et tout. Et puis j'avais une émission de radio sur une radio qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui s'appelait Funkabilly. Et puis il me dit, bah, viens faire une session jazz funk. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, en fait, la communauté antillaise de mon époque, dans le 80-82, écoutait essentiellement du jazz funk. Donc c'est Spyro Gyra, c'est Cassiopeia, c'est des trucs comme ça. Ils adoraient les trucs un peu sucrés, même un peu baltringues, on va dire, tu vois. Alors, genre, pour le coup, vraiment jazz funk d'ascenseur, quoi. Mais c'était, il fallait une série comme ça, et à côté de ça, ça jouait, Bien jouait. sûr, Et il y avait des séries reggae, Paragadub, hein, reggae, à l'époque. Alors, les Antillais dans la disco, je comprends pas trop de quoi il s'agit. Je suis pas très au courant. Peut-être c'était du local, mais que finalement, en tant que local, ça n'a pas passé l'Atlantique. Et que finalement, il y a pas de DJ qui se sont emparés. Et puis, il y avait une production zouk tellement importante aux Antilles que finalement, le côté un peu disco, bien que le zouk, c'est une musique de club, de boîte, enfin, tu Oui, vois, musique de clairement, mariage, tout ce que tu veux, musique de fête. Donc, je pense que malgré ce que les Anglais en pensent, la partie disco de la partie antillaise de la France ressemble pas à grand chose. De l'âge que j'ai et de ce que j'ai eu beaucoup d'Antillais autour de moi, donc on m'a jamais parlé de l'excellence de la disco antillaise, si tu veux. Voilà. Donc, eux, ils se seraient accaparés cette musique pendant une petite année Mais autour quand de même. Paris, de certains clubs, et que ce serait parti ailleurs, et que soi-disant avec certains groupes, mais moi, j'ai pas vu non plus les productions, parce que quand je traîne un peu dans les trucs, je suis sur les Vikings, des trucs comme ça, où il y a des musiciens antillais qui sont Alors, juste des exactement. tueurs, mais j'ai Les l'impression que musiques c'est avant antillaises, la 80. disco, en fait, c'est le diable, je sais plus, tu sais, c'est les gars de Bordeaux, là. Attends, oui, ça me dit quelque chose. Gros truc de variété. Image. Image, voilà. Ah Ok? putain, ouais, la C'est vache, ça la ouais. disco antillaise, tu vois? Ouais. Un petit peu. Ouais, non, non, non, moi je Bon, suis ça quand même pouvait plus paraître sur, plus possible. sur les Vikings et Kassav à les bonnes, aux bonnes époques que j'ai remasterisées d'ailleurs, où les musiciens, ils étaient juste dingues. Mais je sais que malheureusement, c'était souvent grimé en France et on a été entre Carlos, que j'estime beaucoup aussi, mais qui est vrai que Oui, tout à fait, oui. on avait une vision, alors que finalement, les musiciens antillais qui C'était étaient proches haïtien, des c'est ça. États-Unis et qui étaient machin, les C'est mecs, ils ont... haïtien. Ah oui. C'est haïtien. Ah Ce ouais, n'est d'accord, pas ok. antillais. Ah, d'accord, ok. Donc il y a une truc. Mais du coup, il y a une richesse assez énorme finalement aux Antilles. On va élargir un maximum qui... La qualité des musiciens, déjà, tu parles des Antilles, mais toutes les Caraïbes, et c'est effectivement, les gars, ils ont un super niveau. Et puis, c'est comme à Cuba, c'est un truc. Fiston, il faut que tu saches jouer d'un instrument parce qu'on aura besoin de toi. Quand il y a une fête qui se prépare, il faut que tu saches jouer et que tu Ouais, saches au minimum du triangle, au minimum. faire. Oui. Ou pas de la flûte avec, mais enfin, tu vois, un truc qui envoie. Et puis, le mélange, c'est le côté danse et intrinsèque, enfin, tu vois, avec cette Bien communauté. sûr, ouais. Par contre, les Anglais, ils ont eu tout le côté jamaïcain. J'ai une petite anecdote, tu vois. Avant Blue Moon, il y avait un autre magasin qui était à Paris. Et en fait, et ben finalement, tous les petits 45 tours qu'ils recevaient à Londres, ils passaient par Paris avant qu'ils le reçoivent. Alors qu'ils ont une grosse communauté jamaïcaine. Tu vois, c'est un peu bizarre tout ça. Ah ouais, c'est Alors, bizarre. eux, faut dire. Mais par contre, les Anglais sont beaucoup bouffés sur la high energy et la disco italienne, plus que la disco française. Ouais. Et puis il y a eu moins de production quand même en France. Les Italiens, ils étaient tellement énervés Ah, en mais termes de carrément. nombre, c'était l'industrie tout de suite, c'était l'industrie, eux. Ouais. Bah, nous, les labels ont pas investi dans les mêmes choses. Tout simplement, parce que de toute façon, il y a toujours eu un côté. Comment dire? Ça manque d'intellectualisme, tu vois. C'est des paroles trop faciles. Donc, autant les faire en anglais, plutôt qu'en français. Eh bien, je voulais voir. Alors, on va reprendre un peu dans l'ordre, parce que je me suis renoté plein de trucs. Ouais, là où on était, parce que c'était assez précis jusque-là, donc restons dans la précision. par rapport aux époques, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. On était juste avant, parce que forcément, le terrain vague, tout le monde attend le terrain vague, même s'il y en a qui n'en peuvent plus de parler du terrain vague, mais bon, il est difficile. Bah, moi-même, ouais. Ouais, tu vois, ouais, c'est Jay, tout le monde, à chaque fois que je reviens là-dessus, les frères, t'es, ouais, mortel. Donc, on va essayer, si on en parle, on essaiera de parler de trucs un petit peu différents, peut-être, hein, notamment la connexion avec le graphique. Ouais, un peu différemment, on va voir si on pourrait... Si on peut se réinventer, entre guillemets. Moi, je voulais voir avant le terrain et tout ça, quand même, il se passe pas mal de choses que tu nous as expliquées hier qui m'ont bien fait kiffer. Je voulais savoir aussi si... Alors, moi, je suis donc de la banlieue. Toi, je sais aussi de la banlieue, mais tu vas quand même beaucoup à Paris à travers la musique et ton métier aussi de coursier, du coup, parce que tu l'exerces à Paris, j'imagine, principalement. Oui, à Paris-Bonlieu, enfin, je vois ma boîte de coursier à Paris, puis après, je sillonne. J'ai 300 km par jour, hein, faut le savoir. Ah, putain, ouais, c'est balèze. Ouais, c'est beaucoup, Ouais, beaucoup, ouais, carrément. 12 heures, 300, enfin, entre 250 et 300. Donc, faut y aller, quoi. Et c'est 12 heures, 3 heures, 13 heures, 14 heures. Enfin, donc, il y a du taf, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me demandais s'il y avait un lien, parce que toutes les banlieues sont un peu différentes, s'il y avait un lien, toi, ta connaissance et ce que tu as vécu, hein, vraiment sans parler des autres, entre la banlieue et Paris en termes de connexion, est-ce que toi, tu l'as vécu, ou vraiment, tu as Paris et forcément, il se passait des trucs de dingue, parce que même moi, j'y allais en tant que banlieusard et j'ai des potes qui ne me suivaient pas et forcément, ça changeait énormément les choses. Mais il y avait aussi les pro-banlieues, des graffeurs. Au niveau musique, c'était plus difficile, bien que dans le 78, on était quand même pas mal lotis avec des mecs. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation qu'il y avait une influence entre banlieue et Paris où chacun était dans son coin? Toi, comment tu l'as vécu? Ben écoute, en me posant cette question, ça veut dire que tu oublies l'âge que j'ai et l'âge que j'avais à ce moment-là, tu À ce vois. moment-là, ouais, c'est ça, ouais. Comme on a. Donc, tu vois, à Bagneux, il n'y avait pas. C'était juste les gens se tabassaient pour une histoire de territoire qui avait rien à voir avec du deal. Tu vois, il n'y avait pas de quoi que ce soit. C'était juste pour l'honneur, pour aller taper la cité d'à côté. À côté de ça, musicalement, bah, il n'y avait rien, quoi. Tu vois, il n'y avait pas. Tu me parles de trucs, rien n'existait. Ah, c'est ça, oui. Donc. Ouais. Alors que moi, c'est vrai, excuse-moi, oui, en effet, il y a vraiment une. Moi, je suis la génération d'après, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui sont en place un minimum, Alors, même si c'est pas. dans le rock, peut-être, tu vois, dans le rock, mais bon, les blouses en noir, les blouses en doré, enfin voilà, ça se mettait des coups de barre de fer, des chaînes de moto, enfin voilà, c'était. On était là, c'était rue barbare, quoi. Mais il n'y avait pas de but artistique derrière tout ça. Donc, Mais toi, que vraiment ça. pas. Donc, du coup, toi, ça veut dire que c'est toi qui pars avec ton petit scooter ou ton moyen de transport et c'est toi qui vas et chercher de la culture et du disque et le développer sans acolyte, on va dire, ou sans influence. Et puis après c'est tellement glauque ici que j'ai l'occasion de partir à San Francisco, j'y vais quoi. Et D'accord. puis j'étais à Boston d'abord, et puis après, et rien que j'étais au YMCA de Boston, j'avais droit des billets juste aller-retour, tu vois. Donc j'arrivais le midi et puis je repartais le lendemain après-midi. Mais rien que ça, c'était extraordinaire, quoi. Je mettais la radio qui était à côté de mon lit. Et puis j'entendais des choses formidables qu'on n'entendait pas chez nous, quoi. Donc bah, ça donne de l'espoir. Et puis après, bah, j'ai tout fait pour retourner le plus souvent possible pour ma santé mentale, quoi. Parce que déjà, comment dire, sur Paris, hein, je dis pas en France, Bien sûr. je dis pas dans l'Hexagone, mais sur Paris, bon bah c'était les rockers n'aiment pas les métalleux, qui n'aiment pas les punks, qui n'aiment pas les new wave, qui n'aiment surtout pas la funk, ni la disco, ni la salsa, ni le reggae, etc. etc. quoi. C'était vraiment, contrairement à Londres, où quand même il y a des communautés qui s'entendaient bien, bah ici c'était pas le cas du tout. Ah bon, Donc on va en parler de ça aussi tout à l'heure, parce que moi aussi j'ai un voyage à ouais. Londres qui m'a bien retourné et je pense qu'on a pas mal à développer aussi Mais là, tu là-dessus. parles d'époque de 15 ans de différence. Ouais, Enfin, tu c'est vois, ça. tu me parles de trucs, oui. Bon, bah, écoute, je te remets un peu le compas Non, dans le tu as temps. raison, parce que souvent le timing est vrai et c'est vrai qu'à chaque fois je rapproche trop à Ah, moi. mais là, quand même, ouais, là, quand même, tu vois. Et moi, j'ai fait un premier voyage aux États-Unis en 87. C'est déjà quand tu pars aux États-Unis en 87, t'es déjà un peu un ovni. Alors toi, comme t'es parti en 78, hein, c'est ça? Ouais, 75 une première fois et après 78. Ah ouais, c'est pas que t'es un ovni, c'est que t'es au. Donc 75, je me suis pris une grosse gifle et j'étais le seul à savoir dans ma petite tête que waouh, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Parce que là, franchement, ici, c'est compliqué, quoi. Et ça va être compliqué pendant un moment. Et d'ailleurs, il y a une vieille question que je t'avais posée par mail, mais il y a genre déjà 2-3 ans. Et je vais essayer de te la reposer. Et après le Panama City Wrapping, cette fois aujourd'hui, je ne me trompe pas. Excuse-moi pour hier, pour avoir Ouais. confondu. C'est très grave. C'était très grave. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce que là, du coup, c'est toujours avec mes yeux, hein, le lit, c'est avec mes yeux. Hein, ça n'a rien d'historique, genre on va vous raconter le hip-hop français. Je n'aime pas du tout cette prétention très difficile à tenir des engagements de qui va raconter quoi. J'estime que le hip-hop, c'est comme une pieuvre. Il y a des tentacules partout. Ton bouquin, tu ne le fais pas dans Non, pas du tout. dans ce Non. paradigme-là, tu vois. Donc, Non, moi, je non. sais à qui je parle et donc je suis rassuré. Ouais, Et c'est donc, je peux du. dire des choses avec beaucoup de tranquillité Ouais, et en toute on essaye, confiance. exactement, on n'essaye pas de savoir qui c'est qui a soulevé la pierre ou le machin ou le truc, le ma, Il ne non. s'agit pas de ça, d'ailleurs, du Non. tout, tu vois. Non, non. Moi, en plus, j'estime que tout le monde a soulevé une petite pierre et a mis sa pierre à l'édifice. Je trouve que c'est un peu ça la force du hip-hop. Personnellement, Et moi, vois-tu, ça fait très poli. Ouais. Moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, parce que du coup, je me retrouve avec l'étiquette, il a amené le rap en France, mais quelle connerie, tu vois, et puis c'est Wikipédia ou d'autres choses, et puis tous les journalistes reprennent le même truc, et puis je me retrouve avec un poids sur le dos, où il y en a qui m'en veulent, et ouais, comme si c'était moi qui avais dit Ouais, c'est ça, que ouais. j'ai ramené. Mais en fait, moi, j'ai jamais dit ça. Ça vient pas de moi. C'est juste une facilité journalistique de certains. Pour autant, ça dure depuis un moment. Bah, tout ça pour dire que là, l'interview qu'on est en train de faire, moi, je vais faire tout pour parler de moi un petit peu, puisque tu me poses des questions précises, mais surtout parler du hip-hop. Et c'est la raison pour laquelle je suis là à parler avec toi. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Exactement, et c'est ça qui a En changé essayant une d'oublier partie de moi. personne. Ouais, et ça a changé drastiquement ma vie, moi personnellement. Sans ça, je pense que j'ai déjà fait des conneries et tout. Mais pour certaines personnes, je trouve que ça, quand même, pas tout le monde, hein, toujours pareil, je dis pas tout le monde, parce qu'il y en a, ils veulent plus en entendre parler. Mais pour pas mal qui sont dans le livre, putain, ça a formé des choses, ça a été un guide, ça a été des parents, ça a été spirituel, ça a été. C'est quand même partie des cultures qui peuvent quand même changer la direction d'adolescents et qui ont pu être super positifs. Faut pas l'oublier que c'est quand même un truc ultra positif au début et on tombera pas dans des Oui, mais tu es sempiternels zoulous. Vas-y, face vas-y, Daniel. à des choix de vie et tu es face à des choix de vie et le hip-hop t'emmène dans une énergie positive qui te fait ok, wow, je peux faire ça, ça et ça, ou même si je fais rien, je peux aimer ça, et puis donner, recevoir, et c'est formidable. Moi, Ah, le c'est hip-hop m'a incroyable. permis la vie et je suis encore redevable, tu vois. Sans le hip-hop, je ne serais plus là depuis fort longtemps. Donc, à partir de là, comme certains autres, comme aux États-Unis, beaucoup de gars disent ou clament que c'est le hip-hop, la force du hip-hop. Pas les personnes qui ont géré ça, ni couleur, qui mettent juste le hip-hop dans son ensemble, dans les quartiers, comment c'était envisagé. Puis la pureté de la chose, bah, c'est. Quelque part, c'était un antidote par rapport à toute la merde ambiante, quoi. Exactement, un antidote, j'aime bien ça. L'antidote, le coup de l'antidote, c'est vraiment ça, l'énergie de dingue. Pas mal, hein, putain, je suis en forme. Ouais, là, l'antidote antidépression des cités, de tous les termes qu'il y a eu à la con avec Mitterrand et toutes les merdes qu'ils nous ont fait avaler. Putain, ouais, ça aurait pu être plus grave. Et ben justement, dans le Panama City Rapping 1984, disque que je n'ai plus qu'on m'a volé, je voulais savoir, dans ma petite expérience, Je peux offrir d'ailleurs, hein, ouais. remasterisé, dédicacé. Ouais. J'ai l'impression Par qu'il y a. contre, c'est 70 balles. Hein. Ah putain, ouais, putain, ça a pris entre-temps. Je rigole. Et en Bon, gros, moi, vas-y. je m'achète le premier disque de Destroyman et Johnny Go, moi, mais on est déjà en 87, et vraiment la question que j'arrête pas de me dire depuis des années, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de ta réponse, hein, te connaissant un tout petit peu, je sais que tu vas me sécher. Qu'est-ce qui se passe entre Panama City Rapping et Johnny Go Destroyman? en 87, qui devait être égoïste d'ailleurs, le premier, entre autres. Oui, on le balance. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai 20 000, ouais, il m'en reste 6 000 des vinyles quand même, mais j'en ai eu beaucoup. Et, beaucoup, pour un seul homme, c'est ça. C'est déjà trop. C'est ça, ouais, exactement, c'est bien. Moi, j'en ai 26 000, il y a 20 000 de plus, mais quand même, c'est ah ouais. Franchement. Non, c'est une gestion. Bon, bref. Et ben du coup, j'ai fait mes recherches, et même en recherchant un petit peu en côté tu connais pas tout, donc cherche, et ben j'ai quasiment, voire rien trouvé entre 84 et 87. Est-ce que tu as une réponse adaptée? Il s'est rien passé. Et ben voilà, j'étais sûr que tu allais me la sortir. Il n'y a rien eu. Comment c'est? Du tout, quoi. En fait, comment dire, moi, Lionel, je l'ai connu en 84. J'ai essayé de faire un groupe avec lui qui s'appelait les Platinum Squad. Donc, j'avais un pote batteur, un pote bassiste. Mais Lionel, il était là ou il n'était pas là. Et puis, il venait surtout pour chez moi pour enregistrer des cassettes, tu vois, avec les nouveautés. Donc, il n'était pas sérieux. Enfin, tu vois, il était. Donc, on était dans une cave à l'attendre. Et puis, en fait, il venait pas. Bon, c'était un peu loin, hein. C'était la plaine Saint-Denis et lui, il venait de Vitry. Donc, je comprends c'était compliqué pour lui de faire l'aller-retour. Donc, voilà, c'était ma tentative de faire un truc avec lui. Mais de toute façon, ça n'intéressait personne parce qu'en France. Ouais, c'est ça, le grand truc, c'est qu'il n'y a personne qui calcule le truc, quoi. Moi, quand j'ai sorti mon Panam City Rapping, j'ai été voir Vogue, j'ai été voir Carrère, j'ai été voir Musidisc, j'ai été voir tout le monde. Et puis à chaque fois, on me dit, mais monsieur, franchement, je suis désolé pour vous, mais vous avez un métro de retard, quoi. Tout ça, c'est fini. Ça, c'était une surf. Ah, d'accord, c'est pour ça que j'allais t'arrêter. Ils font référence, parce que E84 étant une année assez énorme au niveau visuel, tout le monde, en tout cas ceux qui sont les moins pointus, entre guillemets, ce sera Beat Street et Break Street 84, qui est quand même une année de dingue. Et c'est du coup, après ça, les mecs, ils sentent qu'il y a le côté mode. Malheureusement, une émission qu'on adore, que j'ai trouvé incroyable, mais qui a peut-être fait autant de bien que de mal, contrairement à... C'est ça. Hein, c'est ça qui a coulé le truc. Toi, t'arrives et on te dit que t'es has-been. Oui, complètement. Et puis le fait que je rappe en français, ben, ça intéresse personne. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bon, non, mais ça ressemble à rien. Je ne sais pas, faites comme Garrigan Serbit dans Bandolero, faites un petit truc en anglais. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il y a deux morceaux que je fais en anglais, je trouve que c'est un peu ridicule. C'est pour ça que j'ai rayé certains morceaux. Tellement je trouvais que c'était insupportable, même pitoyable. Et du coup, ce qui reste, c'est ce que j'ai fait en français, quoi. Et bon, c'est le premier après Chagrin d'amour d'un rapport français comme on le faisait sur RDS. En tout cas, avant on le balance et égoïste, il s'est rien passé, sauf que. Et eux, je venais au terrain vague. Il y a Lionel D qui allait sur Radio 7 dans la nouvelle émission Ciné, qui était en 86 pendant que je faisais le terrain vague. Et malheureusement, c'était à la même heure, le même jour. Donc, il pouvait pas venir au terrain. Mais le terrain, on en parlera plus tard. Ouais. Mais en tout cas, il s'est rien passé du tout. C'est rien passé. Ouais, voilà, je me doutais que tu allais me dire ça. C'était work in progress, tu vois. C'est pas que c'est rien passé, c'est que tout le monde était en train de se fédérer. C'était tous ensemble. On serrait les coudes, tu vois, graffeurs, breakers. Enfin, tu vois, on était tous. Et comme la plupart des activistes avaient essayé de faire les autres disciplines, donc on se comprenait tout, on se comprenait vraiment par rapport à l'implication que ça pouvait avoir, quoi, tu vois, et l'importance d'être. Pas rebelle pour être rebelle, pas dans la punkitude. En fait, eux disaient nos futurs, nous on disait futur now. Tu vois, c'est ça la différence entre ces mouvements. C'est un mouvement. Et moi, j'ai trouvé un petit disque dont j'avais pas connaissance. Et c'est d'ailleurs, j'aime bien la citer parce que ça lui fera plaisir, elle le mérite. C'est Céline qui m'a fait connaître un disque, elle ne connaissait pas non plus, qui s'appelle Etika. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui est sur, encore une fois, les labels un peu obscurs. Merde, comment s'appelle notre ami qui est parti au ciel Ah là là là là là là, ça y est, je l'oublie. Je suis devant, j'essaie de revoir. Parce que c'est sorti chez Melody Distribution et Johnny Coco Music. Il me semble que c'est le mec qui a fait Chagrin d'amour. Et c'est un disque qui a eu une genèse en 82, donc relativement très tôt. Et il y a un côté version arabe et version française. Je ne sais pas si tu connais ce disque, c'est un 45 tours. Il est chez Celluloid. J'ai contacté le boss de Celluloid, l'ancien qui est toujours en ville. Oui, ouais, ouais, Gilbert Castro, voilà, que j'ai eu au téléphone. Ça lui disait rien. Depuis très longtemps, exactement. Bon, il m'a pas répondu, malheureusement. Je lui ai envoyé toutes les infos. Ce que j'ai dit, ouais, si tu as le truc, ce serait peut-être incroyable pour l'histoire, en tout cas, de ressortir ça, parce que c'est quand même vraiment rappé. Et il y a du français, il y a de l'arabe. Donc, en plus, je lui dis, ça fait quand même un petit lien avec ce que je pense des communautés maghrébines qui étaient franchement dans le coup. Et il y a ce disque qui s'appelle Etika, qui est super rare. Et je voulais savoir si tu en avais entendu parler, parce que la génie... Ouais, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Ouais. Et que ça a commencé, c'est encore... comment il s'appelle, l'autre de la radio toute la clique avec Radio Nova et l'autre, tous les noms. À chaque fois, j'oublie, je commence à me faire vieux aussi. Bernard Zécry. Ouais, voilà, il y a encore Bernard dans le coup. Il y a encore. Non, il y a Bernard encore dans le coup, qui va encore donner un coup de main et tout ça. Et le 10 va quand même sortir en 84-85. Donc, tu vois, c'est assez proche de ce que tu as fait. Mais il y a la genèse qui est carrément plus tôt. Donc, je voulais savoir si tu en avais entendu parler. Comme il n'y avait rien. Avec un peu plus de moyens que moi. Bah écoute, ouais, non, c'est encore Bizot qui est. Excuse-moi, c'est Bizot qui est dans le coup encore, qui va donner un coup de main. Bah lui, c'est un mécène, de toute façon, on en parlera plus tard. Hein. Ouais, lui, c'est quand même incroyable. Et j'ai pas contacté, mais sur le Discog, tu retrouves une info qui est assez drôle, publiée par Johnny Coco Music. Et Johnny Coco Music, c'est la boîte d'édition de Chagrin d'amour. Donc le mec, il est aussi là à ce moment-là. Ouais. Donc tu vois, je trouve qu'il y a pas de hasard, encore une fois. Le mec, entre ce qui va sortir et ce qu'il a entendu, en tout cas voilà, il y a ce disque, je t'enverrai le lien. C'est assez intéressant, historique. Ouais, mais après tu peux prendre ça différemment, c'est que en fait ils sont dans un microcosme, un aéropage où ils ont l'impression de développer un truc. Sauf qu'à ce moment-là, le hip-hop ne faisait pas partie du tout, tu vois, de ce qu'ils considéraient comme 1%. Il faut bien s'en rappeler aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que tout le monde s'en bat les steaks, clairement. Par contre, le côté sono mondial, world music, tout ça, oui, ça c'était. Voilà, tu vois, les Africains, le Maghreb, etc. Chez Pralette, ça fait longtemps qu'il était avec moi aussi. Mais en tout cas. Concernant le hip-hop et tout ce qui est ragamuffin, tu vois, les Bonnie Dread et tout ce qui se passait, qui était très vivace en France, au même moment, qui était même bien en avance sur nous, dans le hip-hop, où on essayait de se débrouiller tout seul, mais bon, eux, ils étaient beaucoup plus organisés et beaucoup plus soudés. Nova, Actuel, Bizot et compagnie, sont passés totalement à côté de ça avant que, bon, je refoute un peu le bordel. Ouais, vas-y, vas-y. Plus tard. Mais sinon, non. Déjà, la soul et la fin qu'ils n'aimaient pas, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils préféraient du flamenco, du zouk, du rail et n'importe quoi. Sauf ce qu'on appelle de la world music aujourd'hui, d'ailleurs. On appelait ça de la world. Ouais, c'est ça. Puis eux, ça s'appelait la sono mondiale. Mais dans ce que j'écoutais de Nova, il y avait bon, il y a eu un éclair de génie avec le rap, Bernard Zécry, tout ça. Mais bon, c'était juste une passade parce que une fois qu'ils ont fait ça, le rap, ils n'en ont plus jamais parlé. Alors que le rap était en pleine évolution, il a toujours été. Quoi qu'on en dise, c'était pas loin d'être une mode, ça durait depuis 73. Hein, ah ouais, c'était. On le sait. Ouais, ouais, et puis. Avant qu'il y ait des disques qui existent, qu'ils soient labellisés, Rapper's Delight ou d'autres. Puis à part Rapper's Delight, de toute façon, tout le monde se sont totalement foutu de tous les autres morceaux des petits labels qui sortaient à New York à 500 exemplaires avec des gars de quartier qui faisaient leur truc et qui gagnaient de quoi se payer un McDo à la fin, une fois qu'ils avaient vendu le disque dans tous les magasins. Enfin, tu vois, il y a une telle force que eux, ils ne l'ont pas compris, mais ils ont pris ça au moment où c'était intéressant. Et puis après, ils ont laissé tomber alors que c'était en pleine. C'est là où le budget est arrivé, les Beastie Boys ils sont développés, en Ah fait. bah pour moi, c'est les grosses claques là, en 87, quand je commence à être vraiment en place, à écouter encore plus fermement ce que je fais. Une mixte de forme, tu vois, enfin bref. C'est monstrueux en termes d'évolution, ça devient complètement dingue à ce moment. Ah ouais. Alors Chris justement, je Martin, retrouve. Vitaly Kane, tu vois, Eric Birakim, enfin tu vois, il y a Ah non, mais c'est des gars qui apparaissent. c'est les Et premiers même sur, monstres. sur la côte ouest, il y a du lourd, enfin. Eh ben justement, je retrouve un petit bout de l'article, hein, des mecs qui parlent de ce disque, et tu vois, en parallèle de ce que tu dis, c'est intéressant. Le truc, donc c'est pour Etika, le disque. Le truc, c'est qu'on a vraiment enregistré en 1980, fin 1982, et le truc de rap, ça a dû être en avril 1983. Le temps que tout se fasse, ça sort en 84, et arriver les fêtes d'actuel, etc. Mais en 86, c'est déjà la fin. Le disque ne se vend pas. On fera deux ou trois morceaux en plus pour pouvoir faire des concerts. Et j'ai essayé que ce soit le plus commercial possible, mais ça n'est jamais passé. Tu vois? Là, là. Dis-moi, musicalement, c'était quoi? Il y avait un peu Ouais, c'est de un peu. trucs dedans ou Ouais, c'était il y a. Non, non, non, pas du tout, justement, pour pas les du deux? tout. Non, non, non, tu sens le fait qu'il y ait une version en arabe, je pense que c'est qu'elles l'ont senti comme ça, les filles, d'après ce que j'ai compris. Mais il y a Ouais, vraiment ce truc. ça plaisait aussi actuel. C'était un bon coup marketing. Tu vois. Et non, non, C'était pour le chic. ça sonne vraiment, on n'est pas du tout dans. Non, non, l'instru, il est pas mal et tout pour l'époque. Non, non, c'est quand même Il faut une. l'écouter, s'il te Ouais, plaît. je t'envoie ça tout à Bon, l'heure. alors, tu m'envoies la référence juste, puis j'irai chercher sur le Discord. Exactement, ouais. Tu verras, non, c'est vraiment intéressant. Toute l'histoire du truc, elle est intéressante en parallèle. En tout cas, tu vois que les mecs, ils vont avoir les mêmes difficultés que toi, sauf qu'ils vont pas sur un album quand même autant structuré. C'est nettement moins, entre guillemets, structuré que ce que tu as mis au point. Parce que pour l'époque, ce que tu as mis au point, Bah, je c'est te quand même remercie. déjà pas mal de taf, hein, finalement. Parce que comme je rappelle Bah toujours, faut oui. les avoir, hein, les mecs, les icos qui comprennent le délire, enregistrés dans les studios avec le 4 pistes à l'arrache et tout. Je connais plein de mecs qui m'ont dit, mais moi, j'ai commencé. Moi, je dis moi aussi, hein, tout le monde a soi-disant commencé, mais moi, j'ai rien entendu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est le disque de Dynasty. Et ça, c'est, tu vois, il y a ceux qui en parlent et ceux qui font. Donc, je dis, j'attends d'écouter. Mais à ce jour, les mecs m'ont pas envoyé les démos, même les vieilles cassettes, je les ai jamais eues entre les mains. Bah, tu sais, là, je vais mettre sur le net les maquettes de Paname City Rapping. Il y Ah a ouais. trois morceaux, j'ai les maquettes et qui sont quand même honorables, enfin, tu vois, où je peux pas en être fier à ce point-là, mais quand même, c'est sortable de manière à ce que les gens ils comprennent que, bah, ok, le disque, c'est 84, mais en 83, les morceaux existaient déjà et que comment dire, c'est un long processus pour arriver à finaliser tout ça. Oui, parce que personne n'a mis d'argent là-dedans, du tout, extérieur. Ah, il n'y a que moi, je me suis endetté, hein, voilà. Ah ouais, putain, ouais. J'avais un bon patron dans ma boîte de course qui m'a prêté de l'argent, et puis du coup, puis après, j'ai taffé pour rembourser tout ça, et puis je pensais m'en sortir avec la vente des disques, en fait, j'ai rien vendu du tout. C'est l'endroit où j'ai vendu vraiment, c'est en Angleterre, parce que j'y allais tous les mois. D'accord. Du coup, j'ai ramené une boîte avec 50 disques, j'en ai laissé 10 par magasin, je suis retourné le mois d'après et tout était parti. Et alors qu'à Paris, mais rien, rien, rien, rien. Rien. Putain. Ah ouais, Je incroyable. crois qu'aux disques, ils en vendaient 10 par an, tu vois. Ah ouais, la Et puis vache. au final, bah, je me lasse, je mets tous mes disques dans le grenier de chez mes parents. Et puis, bah voilà, c'était il y a 25 ans, Voilà. Et tu les j'ai ressors pas en encore commencé à 2020 sur trier. Discog, 800 balles. Tiens, voilà les gars, ça vous apprendra pas à l'acheter. Et en fait, il y a 610 qui crament Oh putain, chez mes parents. j'en ai Bah, entendu parler de cette affaire, putain. voilà, donc, bah, mais ce qui m'impressionne, c'est que la plupart des gens qui l'ont acheté ne l'ont pas revendu. Tu vois, sinon la cote serait beaucoup plus basse. Ah oui, Je veux dire, carrément. il y a quand même 400 personnes qui ont acheté ce disque et qui ne le revendent pas. C'est pour ça que les rares exemplaires qu'il y a, ils sont à 400, 500 dollars, quoi. Mais ça bouge pas, cette côte-là, elle bouge pas. C'est pour ça que, en fait, ce qui s'est passé, je te l'explique vite fait, c'est que il y a des Ukrainiens, enfin, tu vois, les mafias, c'était bien avant la ressortie. Je l'ai fait pendant le Covid, hein, c'est ça, ouais, je l'ai fait Ouais. pendant le Covid. Donc, il n'y avait pas encore la guerre avec. Avec l'Ukraine, d'accord. Ouais, donc, par contre, il y avait des équipes, c'est les mêmes qu'on. Apprécier des IAM, dès qu'il y a un disque qui dépasse les 400 $, ils s'en occupent, ils reprennent les versions d'Internet, ils reprennent la pochette sur Internet et ils te le refont et ils mettent ça sur le marché. Et j'ai eu la chance de savoir qu'ils allaient préparer ça grâce à un ami qui est un peu au courant de ces choses-là, de manière à ce qu'ils ne bouffent pas ma ressortie, quoi, parce qu'eux, ils étaient déjà en train de préparer ma D'accord. ressortie à moi. Oh Juste parce putain. que il voulait faire des thunes dessus, quoi. Oui, ok. Donc voilà. La pure spéculation, quoi, finalement. Spéculation, genre, ils repèrent des quoi pirater, tout simplement. Donc, Tu vas le il y a faire avec un autre. notre. Tu vas le faire encore avec. Comment j'ai travaillé avec lui, malheureusement, il est décédé l'année dernière. Pierre-Adolphe, je crois. Non, Pierre Adolphe. Il ne s'est pas occupé de ça, genre, D'accord, je pensais. juste il m'a permis de faire que ça soit dans l'Iskander. Ah, d'accord, Je ok. trouve que l'Iskander, c'était annoncé comme quoi il y aurait un livret, ça serait cellophané, ça serait nanana, nanana. Et en fait, moi, j'ai pas eu l'argent, c'était en plein Covid, je n'ai pas la thune pour. Déjà, je suis arrivé à finaliser Le le pressage. pressage, le remastering et tout ça. Ah, c'est déjà pas mal. Je suis brouillé, le graphiste qui m'a demandé une blinde pour juste rajouter un logo et faire les cotes. Moi, je ne pouvais pas faire parce que moi, j'étais chez mon grand frère à Toulouse et j'étais bloqué là-bas, je ne pouvais rien faire de mon côté. Enfin, bref, c'était pendant le Covid, hein, la première version du Covid. Donc, ce putain de réédit, ça n'a pas été du tout comme je pensais. Et tous les disquaires, du coup, j'avais proposé à 13 balles et ils font tous des lettres pour se plaindre à l'organisation du Discardé pour dire non, c'est trop cher parce que de toute façon, il n'y a même pas de cellophane, il n'y a même pas de livret comme c'était prévu, donc il faut descendre à 9 euros. Oh putain, d'accord. Oh la vache. Et après, eux, ils l'ont mis à 50 balles dans leur magasin, tu vois, sans Oh merde. déconner. Je donne pas de nom, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, d'accord, je vois. Oh Ouais. putain, ouais. Oh la vache. T'en as vendu, du coup, ça a fonctionné, cette version aussi? Quand même, c'était plus. Il me reste 100. Donc, Ah ouais, non, oui, c'est pas mal. moi j'ai gagné de 2000 euros sur l'opération. Donc, je me plains pas. Ouais. Ça aurait pu être plus. Ces connards m'avaient pas excusé au passage, quoi. Faire un livret, ça coûte des thunes. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. Ouais. Non, non, puis il y a la préparation et tout. Non, les disques D, j'ai souvent des clients qui me préparent des trucs. C'est quasiment un an à l'avance, où je ne sais plus combien de mois et tout. Tout est. Ouais, là j'étais bien, sauf que comment j'envoie un livret en imprimerie, enfin tu vois, c'était compliqué, donc j'ai pas pu le faire. Effectivement, Philippe Péradolphe, lui, il m'a pris il en a vendu pas mal chez lui, mais lui, c'est pareil, il le mettait à 30 boules, alors que moi, que lui, il est touché à 9 euros. Enfin, tout le monde a mangé sur la bête. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je dis, mais arrêtez de manger sur moi, je ne suis pas comestible. Vous allez avoir des problèmes gastriques, je ne suis pas comestible. Faut que tu les fasses crever, putain. Si tu me bouffes, tu crèves. C'est Voilà. ça. Il y aura vraiment Depuis le temps qu'il 4 ans, en ça va être de la rigolade, mais ça peut être pire que ça, tu vois. Oh putain. Tellement j'en ai marre, quoi. Tu vois, les gens, comment ils se gavent. Et les gens, ils pensent que ça va dans mes fouilles, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà. Est-ce que là on est sur cette période-là, est-ce que justement toi qui es moi j'aime pas toujours peur d'employer les bons mots toujours en avance sur ton temps, hein, clairement, pionnier, on va appeler les trucs comme moi je te vois comme ça, en tout cas, je l'ai toujours vu comme ça. Est-ce que l'influence, par exemple, de ces deux films, Beat Street et Break Street, qui sont diamétralement opposés, d'ailleurs un côte est et un côte ouest, est-ce que ça va avoir toi qui es, donc du coup, hein, tu es déjà vachement dans le truc, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu dis, ah merde, c'est repris, c'est pas bien interprété, ça va faire un truc de merde, ça va nous desservir? Comment tu les interprètes, ces deux films qui sont majeurs pour une grande partie des mecs qui sont dans le livre et qui ont connu parfois ce truc-là à ce moment-là? toi, comment tu le vois? Ben, tu vois, comment je le vois, c'est que déjà, le film Flashdance, ouais, j'étais tellement content qu'il y ait tout d'un coup, pendant 2 minutes 30, ou je ne sais plus combien, il y a des Rocksteady Crew. Ouais, ben ouais. Bah, on était tellement affamés de trucs qui parlent de la culture qu'on a embrassée, tu vois, qu'effectivement, Beat Street, Bray Street, moi, je n'ai pas vu d'antagonisme entre les deux. De toute façon, ils ne parlent pas de classe entre côte ouest et côte est, d'ailleurs. Bah, c'est juste une vision de ce qui se passait d'un côté et de l'autre. Et puis moi, comme j'habitais à San Francisco, tu vois, donc à la côte ouest, et puis après, j'étais à New York, donc pour moi, il n'y avait pas... aucun souci. Après, on ne peut pas dire qu'en France, il y a eu, on peut pas dire qu'ils ont pressé ça comme un citron. Hein. C'était dans quelques salles. Après, tu choisis si tu veux le voir en VO ou en VF. Ouais, ouais, ouais. Parce que Beat Street en VF, quand même, c'est assez rigolo. Tu vois, j'ai l'impression. Parce que si tu regardes Les Guerriers de la Nuit, tu vois, genre je sais pas comment dire, tu vois. Si, si, mais je vois, c'est plus la maison, la petite maison dans la prairie, quoi. Non, non, non, Les Guerriers de la Nuit, non, non, c'est Warriors, tu vois, le film. Ouais, ouais, ah, oui, oui, bien sûr, oui, moi je l'ai la référence en anglais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que la... Le film qui parle de la naissance du hip-hop, sauf que ça en parle pas vraiment, mais c'est exactement ça qui s'est passé en 75, pas en 73, tu vois. Et donc, les gens qu'on voit dans le stade, les deux, en fait, c'est Bambaataa et Pooler. Ah, d'accord. Entre les gangs, maintenant, ça va être comme ça. Et New Kegit, c'est tout. Oui, ok, d'accord. Ouais, c'est ça l'histoire de Warriors. En fait, c'est sur des faits réels. C'est une histoire intéressante pour les producteurs un peu film série B, enfin, tu vois. Ouais, qui a gravement marqué quand même. Quand même, ce que les gars ont vécu pour rejoindre l'endroit où tout le monde était réuni pour faire une trêve entre les gangs, etc. C'est des anciens qui me racontent ça, tu vois. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc... Bien sûr, ouais. Et puis, c'est des gars qui ne cherchent pas à mitonner ou tirer la couverture vers eux. Non, non. Il y a beaucoup d'anciens qui sont très simples et très tranquilles et qui ont juste un petit goût amer du fait qu'ils n'ont pas récupéré... les lauriers de ce qui est devenu le hip-hop après, si vous... Mais donc, c'est très spirituel de leur part en général. Donc, voilà, n'empêche que c'est le film qui retrace le plus près ce qu'a été vraiment la naissance, la genèse de ce qui est devenu le hip-hop. Ok, finir avec... Qu'est-ce que veut dire hip-hop, véritablement? Là, c'est moi qui te pose une question. Je l'ai lu que dernièrement, donc même si je te redisais le truc, je l'ai appris dernièrement, je pense qu'il y a quelques mois, dans une vidéo sur Insta, où je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas si c'est Jazzy Jeff ou je ne sais plus quel mec, un producteur, il me semble, et il te dit pourquoi le mot, pourquoi la façon dont on rappait et tout. Et donc, du coup, ils ont mis le H, le machin, et il dit c'est toute une question de connexion de mots. C'est comme ça que je l'ai compris en anglais et que finalement, c'est de contraintes. Et du coup, ce mot-là, on est créé comme ça. Ça n'a aucune autre explication et j'étais bluffé parce que j'avais jamais entendu cette... avec tous les gens qui essayent de dire « je connais l'histoire mieux que toi » et tatati et tatata, j'ai été bluffé. Je crois que je l'ai écouté il y a 2 mois. Rattrape-moi si je me suis trompé, mais voilà, c'est ce que j'ai compris. Moi, je vais compléter ce que tu as entendu. L'anamatopée, c'est compliqué à dire. En fait, c'est les Herculoids, dont Lovebug Starsky, ça c'est aussi compliqué à dire, qui dans ce rap, donc les Herculoids, c'est vraiment le tout premier groupe de rap, donc il y avait Jimmy Spicer, DJ Hollywood, Eddie Sheba, etc. C'était vraiment, ils étaient dans le non-stop. Et en fait, après des décennies de questionnements sur qu'est-ce que voulait dire hip-hop, il y en a qui disent hippie, hop, l'espoir, machin. Enfin, c'est ça. Oui, ça, j'avais entendu des trucs comme ça, mais... En fait, c'est juste un pas de danse. Et hip, ça veut dire bouger ses hanches, et hop, ça veut dire se tigner, tout simplement. Donc, dans les ballrooms, que le rappeur, il animait, tout le hip, tout le hop, hop, nous, on stop. Ouais, d'accord. Donc, Voilà, c'est juste un pas de danse, ouais, tout simplement. Ouais, Comme il y a le funky chicken, le assaut, ouais. le post-up, etc. Donc, c'est juste un pas de danse qui s'est pratiqué à New York pendant quelques temps et qui vient du non-stop, qui vient du rhythm and blues. Et c'était juste un mouvement, c'est pas de l'aérobic, hein, tu vois, c'est juste des pas de danse en ligne, enfin, sur la soul train. Voilà, let's leap, let's hop. Genre, bouge tes fesses et saute des pieds, voilà, tout simplement. Je m'en étais un peu rendu compte dans une série. Onomatopée, tu vois, et c'est ça qui a pris finalement, qui a été choisi pour réunir tout, Ouais, tous les mots. objectivement tous les éléments. Ouais, je l'avais vu un peu, mais une série, des fois, elle est critiquée, mais j'avoue que j'en parle avec personne. Mais avec toi, je vais oser le faire et tu me diras si tu as trouvé ça merdique. Mais je trouvais ça pas mal. C'était The Get Down sur Netflix il y a déjà quelques années et j'ai quand même appris pas mal de choses. Et j'ai trouvé que ça transpirait bien quand même qualitativement. Il y avait des trucs quand même qui étaient vraiment bien. Et je trouve qu'en France, c'est pas passé, ça n'a pas été mis beaucoup en avant. Je sais pas pourquoi elle a été passée un peu à l'as cette série et qu'on a juste vu que le mec qui mettait ses pumas un peu en super-héros, qui était un peu fantaisiste. Mais j'ai trouvé que ça donnait un truc à la série. Et sur la saison 2, t'apprends quand même énormément de choses sur le disco rap. Qui sont assez incroyables, que j'ai retrouvé dans des bouquins, et j'ai trouvé que cette série, elle est trop passée un peu derrière. On a parlé largement plus d'une série dont je tairai le nom, que je n'ai pas voulu voir parce qu'on m'a trop critiqué, qui est sortie il y a quelques. Pas une série, un film documentaire, Le Monde d'après, je crois, où, voilà, où tu es mis en avant, il me semble. Et je. Non, non, là c'est une série, c'est le monde de demain, d'accord. Mais là, Get Down, c'est les États-Unis, donc on peut pas lutter, tu vois. C'est À la exact. limite, Ouais, nous, on est. Oui, c'est mais le notre problème, petit. c'est que tout le monde n'a pas Netflix, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, j'ai pas Netflix, ma fille là, mais j'ai pas demandé à ma fille de voir Get Down, et du coup, je suis passé à côté, j'ai vu juste un bout d'épisode. J'ai trouvé ça très bien sur les images d'archives, Ouais. sur le casting par rapport au Furious Five, au Master Flash. C'est vrai que c'était bien foutu. Par contre, quand ils font une block party, qui a des petites lanternes de façon 13 juillet, je trouvais que c'était un peu bizarre parce que ces block parties étaient plus sauvages que ça. Ils sont tous bien habillés, Ouais. tout en certains. Enfin, de ce que j'ai vu. Après, il y a beaucoup d'images d'archives sur à quoi ressemblait Harlem et le Bronx à l'époque. Et donc, c'est bien de s'en rappeler pour ceux qui savaient pas. Mais en fait, bah ici, forcément, ils sont très rap français, l'histoire du rap français, tout ça. Donc, Get Down, ça n'a pas eu. Je pense qu'aux États-Unis, ça a bien fonctionné. Sinon, il n'y aurait Ouais, pas eu pas tout. mal, ouais, pas mal. Il y a un autre aussi, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors là, je suis là, je ne sais pas si c'est Netflix ou quoi. Alors ça, j'ai vraiment adoré, mais on est plus dans le documentaire, c'est Rubber Kings. RU2BLE Kings. C'est sur l'histoire D'accord. des gangs et c'est une espèce de version, je te dirais, de The Warriors, mais sans le côté scénaristique. Alors, je le note, Rebol, Ouais, Rubber R-U. 2BLE et plus loin, le Kings. Bon, ça Alors, va. sur Netflix, Je vais je suis non, obligé je, de ouais, faire. je sais pas où on peut le trouver. Moi, j'ai envie de le revoir parce que je déchire pas assez en anglais pour. Je l'ai vu en anglais, du coup, j'ai beaucoup de subtilités qui me sont passées à côté. Et j'ai vu il y a un an qu'il y avait peut-être une version sous-titrée française qui était sortie. Et là, j'ai du mal un peu à le retrouver. Mais franchement, celui-là, Daniel, il est. C'est le condensé de vraiment de la jonction des gangs, de ce qui se passe un peu avant, après, et puis bande bataille et tout. Je trouve qu'ils font vraiment. C'est monstrueux. Ça devrait être dans les écoles Bah obligatoires. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ok, les gars, on va parler des Grecs, des Romains et tout ça. Puis là, on va parler des mecs Ouais. de New York et. Mais tu vois, vite fait, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, le monde de demain, je trouve justement par rapport à même Get Down, je trouve que c'est tellement pitoyable, tu vois. Ok, c'est sur Netflix, les Ricains peuvent le voir. Dynamax, il a regardé. Bien, c'est bien, t'es bien mis en valeur, c'est cool. Et je lui dis, mais tu trouves quand même, c'est pas sérieux. Les Ricains, ils vont se moquer de nous. Tu vois, c'est les petites victoires à 2 balles entre les uns et les autres. Oh, je te mets une petite tarte, tu me mets un petit coup de pied dans le. Enfin, tu vois, c'est tellement. Même Colors, enfin, je sais pas. Ouais. Les Ricains vont se dire, ah ouais, ok, c'est ça les débuts du rap en France. Ah bah putain, oh les pauvres, ils ont galéré, oh là là. Enfin, tu vois, il y a un décalage qui est dingue. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est plus belle la vie version hip-hop, quoi. Ah, j'ai pas voulu le voir pour pas être déçu, j'ai préféré rester dans l'ignorance, ce qui est con, hein, tu vois. Mais on m'a tellement sabré le truc. Te fasse. Si, quand même. Faut que tu te fasses. Ouais. Ah oui. Bah, au moins, ça parle de moi de bonne façon. Voilà, moi, ça, c'est ce qu'on m'a dit et j'étais content qu'enfin, les mecs, ils t'oublient pas ou que tu sois mis. Par contre, moi, il y a 6 épisodes, j'ai voulu regarder que 3, les 3 autres d'après. Ça vous a tellement pénible de voir les 3 premiers. Bêtement, enfin tu vois, émotionnellement, que j'ai préféré attendre un petit peu. Par contre, il y en a qui m'ont fait les 6 épisodes à la suite et quand je trouvais ça génial. Et beaucoup de gens qui ont toujours été dans le rock et qui m'ont dit, ouais, vous ne savez même pas qu'il y avait ça qui existait à côté de nous. Je crois que je te l'ai dit l'autre fois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Père, à demain, merci encore. T'as dit merde, merci. Ah non, j'ai dit merci, Daniel. Mais peut-être ça veut dire merde, merde, merde, merde, si, merde, si.